Das Ende vom Ende. Camarade, plaisantait la voix modulée de X. Crève pas avant d'avoir actionné les commandes, veux-tu? Hans avait réussi à se traîner par-delà l'antichambre, jusque derrière le bureau circulaire du terminal. Il restait adossé, contre les tiroirs, blême et affaibli, la tête lourde. Le saignement semblait sous contrôle, mais il ne savait pas combien de sang il avait perdu. Un frisson lui parcourut l'échine. « Tu dois enclencher le système manuellement !» insista X. « Je sais, » murmura Hans. Pendant un moment, il oublia presque qu'il ne s'adressait pas réellement à son camarade, mais bien à une construction artificielle, produite par l'implant cybernétique, Endymion, le rêveur réveillé. Rien qu'une variable de plus dans le chaos. Serrant les mâchoires, Hans s'agrippa aux côtés du bureau et parvint à se hisser. Le terminal était cryptique et sophistiqué, mais Hans avait pratiqué ses gestes 1000 fois déjà sur un modèle. D'une main bandée et souillée, il activa le panneau de commande. Une holoprojection bleutée et cristalline apparut devant 2 yeux injectés de sang. Hans entra le code de McGuinness, regarda les autres fenêtres se succéder à une vitesse vertigineuse. Muni des privilèges d'administrateur, il activa la communication entre le terminal central et les sous-systèmes. À partir de là, le construit pourrait s'occuper du reste. Immédiatement, X lança un nouveau rire triomphant. « Voilà !» fit la voix métallique. « Das Ende vom Ende. Le terminal infecté, de nouvelles commandes filèrent à une vitesse aveuglante, au fur et à mesure que le construit prenait le contrôle total du centre de données. Il corrompait tous les systèmes. Le bleu indigo tournait au rouge sang. Les traits déments du visage d'X s'incrustèrent dans les projections. Des crocs acérés saillant de ses lèvres. Réalisant que le processus était bien enclenché, Hans sentit ses forces faillir et s'écroula à nouveau, écrasé contre les tiroirs du bureau, pris de nausées. Son cœur battait à tout rompre, erratique. Une sueur froide lui collait au front. Pendant ce temps, le virus se répandait. « Wow !» éclata la voix modulée de X. « C'est fou tout ce qu'il y a ici. L'Empire William Saint-Onge, croustillant. Et tout le reste. Casier judiciaire, assurance, prêt bancaire, biométrie, certificat de naissance. Ah, ton vrai nom est Gaspard? Vraiment? » Malgré la douleur, Hans sourit en coin, comme si le poids des années venait tout juste de s'évaporer. C'était la fin des plans, l'explosion des trajectoires imbriquées et l'avènement du merveilleux vide qui leur succédait. La fin des abstractions, la légèreté, la simplicité, la liberté. Svet, demanda Hans à bout de souffle. Est-ce qu'elle est sortie du trou? Et Nelson? Bonne question, répondit la voix saccadée. Je vois un appel de détresse du centre d'interrogation de la HopeSec. Une attaque 3 minutes avant que ça pète. Elles seraient saines et sauves. Alors efface tout, implora Hans. Il doit rien rester. Rien. Déjà commencé, confirma X. Mais à la quantité d'archives, ouf, ça va prendre du temps. Quand t'auras fini, précisa Hans, bousille le système de refroidissement, renverse les turbines. Je sais pas, n'importe quoi, fais griller la base. Un glitch secoua soudainement le programme. Malgré la modulation extensive du timbre de voix, une inquiétude fut perceptible lorsqu'il s'adressa à X. On a de la compagnie, camarade. Hans se secoua la tête, ramené brutalement à la réalité. « Oh !» grogna-t-il. « Combien ? 6 dans le lobby, confirma X. Et une 7e. Ah, tu devineras jamais qui. Et ils vont vite, les salauds. On dirait qu'ils ont le feu au cul. Je me demande bien pourquoi. Réprimant difficilement l'envie de vomir, Anne se mit à tâter son sac et sa ceinture pour ramasser ses armes. « Fuck !» se renfrogna-t-il cyniquement. « Seulement 7 ?» Hans inspecta son AK. Le chargeur était à moitié vide. Restait le Makarov avec 8 balles régulières, une pipe-bombe qui avait pris l'eau et un couteau de chasse rouillé. Rien pour affronter une armada de la Hope Sec, et surtout pas dans cet état. « On a assez de temps ?» demanda-t-il, craignant la réponse. Pas sûr, répondit froidement X. Oh, mais tu me connais, je suis un rayon de soleil. Un instant de silence pénible s'écoula. Hans chargea sa mitraillette, prit une grande respiration. Une dernière chose à faire et il serait fin prêt. X, commença-t-il alors, osant appeler la chose par son nom. Mais avant que Hans puisse continuer, celle-ci lui coupa la parole. « S'il te plaît, » plaida le construit, sa voix creuse dans le terminal. « C'est pas ta faute, Hans. Ruby et moi, on a choisi. C'est ce que nous voulions jusqu'à la toute fin. Maintenant, concentre-toi, camarade. Attache ta tuque. Les fascistes arrivent. Toi et moi, on va leur donner une petite leçon de nihilisme. »